Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to Hear You, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas, au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 13, ambition, désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. Pour ce 13e épisode, écoutez les fleurs pousser dans vos écouteurs et laissez-vous porter par le franc-parler d'Alix, fondatrice du concept Racine Paris. Rassemblez ensuite toutes ces pensées dans un bouquet et plantez-le dans le cœur de vos projets. Parce que c'est de ça dont il est question dans cette émission. De courage, de volonté, de rêve et surtout de beaucoup, beaucoup d'amour. On a enregistré cette émission dans la toute nouvelle boutique atelier Racine Paris située dans le 11e arrondissement de Paris. Entre des pots de peinture, des tiges de fleurs et quelques câbles, nous nous sommes installés sur un coin de table et on a allumé le micro. Avec Alix, on a parlé de maternité, de challenge et de l'odeur de l'herbe coupée. Très bonne écoute. Bonjour Alix. Bonjour. Ça va? Très bien. Merci de me recevoir dans ton tout nouvel atelier Racine Paris et d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Avec plaisir. Pour mieux saisir ton histoire et les aspirations qui l'accompagnent, j'aimerais donc commencer par un rapide tour d'horizon de ton parcours. Avant d'imaginer et fabriquer chaque jour de nouveaux bouquets de fleurs sauvages avec ton concept Racine Paris, tu évolues pendant une poignée d'années dans le milieu de la communication et du marketing. Tu commences ta carrière chez Lagardère en tant que responsable des promotions événementielles et chargée de promotion, si je dis pas de bêtises. Ouais, promotion et après tout ce qui était production événementielle. Puis tu continues ton parcours au sein d'une agence de communication événementielle grand public qui t'amène à travailler pour les marques Nike et Adidas. Exactement. La suite, c'est chez Combini et Kicker, une marque de robotique que tu l'écris. L'idée n'est évidemment pas de détailler à haute voix à nos auditeurs et auditrices ton CV, mais il me semblait important de contextualiser un petit peu ton parcours qui, je trouve, incarne parfaitement l'histoire de nos nouvelles générations. Cette émission s'adresse donc à tous les amateurs amatrices de fleurs, mais pas que. Le fil rouge du jour avec lequel nous allons nouer nos idées est celui de l'ambition. Réussir, essayer, rater, recommencer. Peu importe le sujet et les points de départ, nous avons tous et toutes envie de réussir à atteindre les objectifs que nous nous fixons, aussi simples et basiques soient-ils. Donc comme à chaque nouvelle émission du podcast, je te propose de commencer par la traditionnelle question d'ouverture. Alix, quel genre d'humaine es-tu sur la planète ? Quelle question, très compliquée. Quel genre d'humaine je suis? Je pense que je suis une humaine qui a besoin d'être appréciée des autres, qui a besoin que ce qu'elle fasse, aussi bien dans le monde professionnel que dans la vie de tous les jours, ce soit bien et apprécié par les autres. Voilà, j'ai grand besoin du regard des autres, j'ai grand besoin du regard de mon mari, de mon fils, de ma famille. Voilà, j'ai besoin de ne pas décevoir. Maintenant, j'ai également besoin de ne pas me décevoir moi-même. Et voilà, jusqu'à maintenant, avant de lancer Racine, j'avais plutôt bien réussi. Et là, c'est un nouveau chapitre que j'essaie d'écrire, un peu plus ambitieux et un peu plus peut-être semé d'embûches, puisque c'est l'aventure de l'entrepreneuriat, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, pas avoir peur de l'échec ou du moins y faire face. Voilà, c'est un nouveau chapitre et c'est très stimulant. Donc je pense que je suis un peu comme beaucoup d'humains. J'ai besoin de faire plaisir, j'ai besoin qu'on m'apprécie et j'ai besoin de réussir. Ouais. Et du coup, quand tu étais enfant, adolescente, jeune adulte, est-ce que tu te rappelles les objectifs que tu avais pour ta vie d'adulte? Tu voulais devenir qui? C'était quoi tes rêves? J'ai plus vraiment de souvenirs très nets, comme beaucoup d'enfants peuvent en avoir, à savoir une volonté d'être pompier. Mon fils voudrait être pompier, par exemple, ou vétérinaire. Souvent, quand on est enfant, on adore être vétérinaire. Non, moi, j'ai toujours voulu être plutôt dans des choses créatives. D'ailleurs, quand je me suis lancée dans la vie professionnelle, notamment dans l'événementiel ou dans la production, voilà, il y avait toujours une part de création, puisqu'on créé des événements grand public. Donc je m'y retrouvais dans ce que je voulais. La volonté de lancer Racine aussi, c'était aussi une volonté de revenir à la créativité, à la création, mais peut-être plus basique, si je puis dire, dans le sens de la création, c'est-à-dire vraiment avec les mains et revenir aux choses essentielles que peuvent être la composition d'un bouquet et le plaisir que ça peut procurer de s'en acheter un ou d'en offrir un. Tu l'expliques souvent, c'est vrai que Racine, cette entreprise est née d'une frustration, ouais, de ne pas trouver sur le marché des bouquets de fleurs qui répondaient à tes attentes, à savoir bouquet de fleurs sauvages, original et coloré, et surtout à prix accessible. Et aussi avec un certain service, parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé à réfléchir à Racine, j'étais enceinte, donc j'avais un peu de temps. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les bouquets sauvages, champêtres, comme on peut dire également, avec plein d'essences différentes, un peu le bouquet qu'on viendrait juste de cueillir dans un champ pendant une promenade avec des amis ou avec sa famille. C'est vrai que jusqu'à cette époque-là, quand j'ai commencé à réfléchir à Racine, il n'y avait pas vraiment, voire pas du tout d'artisans fleuristes qui pouvaient proposer ça. Les seuls qui le proposaient, c'était extrêmement cher. D'ailleurs, le déclic, il a vraiment été quand j'ai appris que j'étais enceinte et que je suis allée me faire plaisir chez un fleuriste et que je me suis fait faire un bouquet en me disant ça me coûterait un peu d'argent, mais on n'est pas enceinte tous les jours. Et voilà, et donc je me suis fait faire un bouquet qui n'était pas non plus énorme, mais qui était à l'image de ce que j'aime, et je m'en suis sortie pour 98 €. Et là je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, il y avait quelque chose à faire sur ce côté esthétique, mais il y avait aussi quelque chose à faire au niveau du service qui accompagnerait la création de ces bouquets, puisque on était dans une époque où tout commençait à pouvoir être livré, surtout tout ce qui était déjeuner, repas, petit déjeuner, et notamment aussi tout ce qui était transport avec les Uber et les VTC. L'idée a germé en se disant je voudrais pouvoir proposer ce genre de bouquet, que ce soit accessible, mais je voudrais aussi pouvoir le faire livrer à vélo et que les gens n'aient pas besoin de se déplacer et que ça puisse si j'ai envie d'un bouquet, là j'ai envie de pouvoir aller sur internet, le commander, l'avoir en 2 heures. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Est-ce que, parce que c'est vrai que, donc ça c'était les prémices de l'idée, mais j'imagine qu'il y a peut-être aussi d'autres choses, des déclics ou des indices qui t'ont fait prendre conscience que c'était cette aventure-là dans laquelle tu souhaitais te jeter tout entière. Est-ce que aussi par exemple professionnellement, avec toutes tes expériences avant, il y a des petites choses qui t'ont amené petit à petit à ça ? Bien évidemment, tout mon background professionnel et aussi une certaine frustration au bout de 15 ans dans l'événementiel et dans la pub, de se dévouer corps et âme pour ton patron, mais aussi pour des clients, et au final se dire tous les jours je crée des concepts, je crée des événements, je crée des choses de A à Z, et pourquoi pas moi, et pourquoi est-ce que ce serait pas à moi aujourd'hui de créer de A à Z mon aventure à moi et mon concept à moi et mon entreprise à moi. Donc voilà, et puis je pense qu'au bout de 15 ans, moi j'avais fait un peu le tour parce que j'avais fait de l'agent, j'avais fait de l'annonceur également. Voilà, j'avais une certaine un certain ras-le-bol aussi de comment ça peut se passer dans les agences, et puis voilà, aussi un déclic, avoir un enfant. On le dit souvent, ça peut paraître un peu gnangnan ou chiant, mais on croit toujours que ça arrive aux autres et pas à soi, mais voilà, quand on donne naissance à un petit être comme ça, on commence à prendre conscience de tout ce qui nous entoure, de ce qui sont nos priorités, et nos priorités dans notre vie personnelle de tous les jours, mais aussi dans nos priorités dans notre vie professionnelle. Et voilà, et j'avais envie, comme avoir un enfant était un peu une aventure en soi, j'avais envie aussi professionnellement peut-être de me lancer dans une nouvelle aventure. Et ça commençait par la création de ta propre boîte et l'entrepreneuriat. Voilà. Deux grosses aventures. Exactement, ouais, voilà. Dans le dictionnaire, l'une des définitions de l'ambition la caractérise de cette manière: désir ardent de gloire, d'honneur et de réussite sociale. Dès le plus jeune âge, on nous invite à la réussite et on nous inculque le mérite. Malgré tout, le moment venu, donc, de créer sa propre entreprise, changer radicalement de parcours professionnel, ou endosser une vie en dehors des sentiers battus, surtout quand on est une femme, je trouve, s'accompagne de son lot de pression sociale extérieure. Est-ce que ce sont des événements que tu as pu constater ? Est-ce que c'est mal d'avoir de l'ambition ? Alors moi, je le prendrais pas, je le définirais pas comme quelque chose de mal. Je pense que dans l'ambition, il y a plein de caractères qui peuvent être positifs comme négatifs. C'est vrai que souvent, comme tu le dis, l'ambition, on se caricature tout de suite quelqu'un dans une société qui va venir me mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir gravir les échelons plus rapidement. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, mon ambition... Je vais l'analyser comme quelque chose de très positif parce que quand j'ai décidé de lancer Racine, voilà, j'étais dans ma zone de confort, je maîtrisais totalement mon métier, j'allais au travail tous les matins avec jamais vraiment de pression aucune parce que j'étais en totale maîtrise de ce que j'avais à faire. La dernière expérience que j'ai eue, notamment chez Kicker, c'était déjà une certaine ambition et déjà une certaine prise de risque puisque je partais dans un environnement qui m'était complètement inconnue puisque pendant 10-12 ans j'étais plutôt dans la musique, la production d'événements musicaux, dans la production d'événements grand public vraiment XXL pour des marques inspirantes comme Nike avec du sport, des influenceurs, donc tout ça a été très cool et très stimulant. Ensuite je suis partie, comme tu le disais, chez Kicker et là on partait et, on repart from scratch en ce qui me concerne parce que pour le coup tout était en anglais, le marché était aux US et on était en train de parler de robots et mon quotidien était avec des ingénieurs, donc pour moi c'était vraiment un choc des cultures, un choc à tous les niveaux, donc là c'était déjà une première prise de risque. Après quand j'ai décidé d'arrêter et de me lancer dans Racine, c'était ça l'ambition, c'était de me dire voilà, j'ai toujours été dans le confort sans prise de risque, si je puis dire. Aujourd'hui, j'ai envie d'en prendre une et c'est ça pour moi l'ambition et l'ambition qu'il y a eu dans cette aventure qui est Racine. Est-ce qu'il y a eu des personnes, quand tu leur as expliqué que tu souhaitais par exemple changer radicalement de ce que tu t'es formé aussi pour te lancer dans cette aventure-là ? Je pense que quand tu traites, quand tu as une ambition professionnelle comme celle-là, qui est un virage à 360 degrés, parce que là on est en train de parler de mettre les mains dans l'eau, aller à Rungis à 4h du matin et d'acheter des fleurs et de faire des bouquets. Il y a cette partie-là. Oui, il y a des gens qui m'ont dit mais t'es folle. Mais t'as aussi beaucoup de gens dont les gens qui me sont le plus proches, mes meilleurs amis, mon mec, qui m'ont dit si c'est ce que tu veux faire, vas-y, mets-toi, vas-y à fond. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais pas d'un autre côté vraiment besoin qui me le précise parce que c'est vrai que j'aime bien faire les choses à fond. Donc c'est passé, ça veut dire que je recommençais from scratch, je partais d'une feuille blanche, j'ai travaillé pendant un an et demi au tout début quand j'étais encore enceinte et après quand j'ai eu mon fils qui était tout petit pour écrire tout ça sur une page blanche, le structurer parce que se reconvertir et se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut quand même que ça soit carré et que ça tienne la route, d'autant plus quand c'est un business que tu lances sur internet. Ça a été un an et demi de travail pour que tout soit calé et que ça fonctionne. Mais il y avait aussi la partie bouquet, donc ça veut dire reconversion, formation, stage chez des fleuristes et des maisons parisiennes. Parce que on peut pas non plus. J'ai toujours aimé faire des bouquets, mais voilà. Ça s'apprend quand même. Voilà, il y a une technique à avoir, même ne serait-ce que pour entretenir les fleurs et connaître les fleurs et connaître comment les fleurs poussent et se reproduisent. Même si la botanique, elle nous sert pas tous les jours dans notre métier, je pense que c'est essentiel de la connaître. C'est intéressant de savoir de quoi on parle, quoi. Ou c'est même le minimum, je crois, en fait. Pour se lancer, c'est vrai que on maîtrise un peu, enfin ça peut être un peu moins peur aussi quand on maîtrise. Et puis je pense que quand tu veux faire quelque chose de sérieux, faut y aller sérieusement et voilà, et à fond. Donc on a passé le CAP quand ça fait 15 ans que tu bosses, que t'as pas révisé, tu vois, que tes derniers examens ils sont 15 ans derrière toi et tu dois te remettre sur tes cahiers où tu dois apprendre des espèces de pavés de botanique et autres. C'est compliqué, mais après, quand, quand tu l'as fait, t'es hyper fière de toi, et puis tu te dis que ça va te servir, et puis en plus, t'as un super diplôme de CAP, donc... c'est beau, quoi. Franchement, toi... Tu peux pas test. Du coup, c'est vrai que l'ambition, elle, je pense, elle est un peu mauvaise presse, parce que, enfin, on a peut-être une vision très extrême, c'est que quand on manque d'ambition, les gens vont plutôt avoir à nous dire, bon, allez, vas-y, bouge-toi, ouais. Et à l'inverse, quand on est hyper ambitieux et qu'on s'investit à 100% dans un projet, quel qu'il soit... On passe vite aussi pour vite des ovnis parce qu'on transpire le truc l'un dans l'autre, s'il faut trouver une espèce d'équilibre. Ouais, je pense qu'il y a une mesure à avoir. Après, je pense que avoir de l'ambition, c'est hyper sain. C'est sûr que, comme tu disais, parfois, encore plus dans des contextes d'entreprise, je pense, surtout peut-être des grosses entreprises où il va y avoir un côté très négatif au niveau de l'ambition parce que peut-être que certaines personnes, pour gravir les échelons, n'hésiteront pas à faire des coups bas. Après, je pense qu'on peut être très ambitieux tout en respectant les autres, en respectant ses propres valeurs et ça c'est l'ambition qui est saine et qui est positive, je pense que ça dépend en fait dans l'intention avec laquelle on met dans le truc. Exactement, c'est comme tu disais en introduction, quel humain tu es. Je pense que à partir du moment où tu te respectes toi, l'image que tu donnes aux autres et que tu respectes les autres et que t'as des valeurs, je pense que l'ambition elle peut être que positive et elle peut être que stimulante. À partir du moment où tu sais quelle limite tu veux pas franchir, ça peut très bien ça peut se passer de la meilleure manière que ce soit. Est-ce qu'il y a des fois des projets dans lesquels tu as dû moduler un peu ton ambition en te disant j'ai envie de le faire mais justement je suis plus en accord avec moi-même et avec l'objectif dans lequel j'ai créé Racine? Oui, nous on est avant tout un site internet sur lequel les gens peuvent commander leur bouquet sauvage chaque jour, mais on a, donc ça c'est plutôt du B2C, et on a une énorme partie de notre business qui est du B2B, à savoir qu'on organise énormément d'événements. Je reviens un peu finalement on l'a jamais vraiment d'où on vient, donc et en plus ça me stimule énormément et j'adore, donc je suis très contente de continuer à faire des événements avec la casquette florale cette fois-ci, et c'est nos il y a beaucoup de marques, beaucoup d'agences qui font appel à nous, que ce soit pour des événements, des lancements de produits ou autres. Parfois c'est vrai que certains clients ont des idées très précises et si ça rentre pas dans l'univers et dans l'esprit qu'on veut donner à Racine, on le refusera parce que voilà, faut être droit dans ses baskets, ouais. et voilà, je vais pas, nous par exemple on travaille très peu des fleurs comme la rose, alors on va en travailler quand c'est de la rose de jardin, mais après si on me demande de faire de la rose rouge un bouquet de 25 donc on ne fera pas, d'autant plus que ça me donnera des boutons, donc c'est pas possible. Mais voilà, même si c'est pour une marque qui a du budget ou autre, je pense que c'est ça le secret en fait. C'est ça le secret, et en fait aujourd'hui on se rend compte quand même que toutes les marques qui viennent et qui font appel à nous, finalement elles viennent vers nous parce qu'elles adorent notre univers et elles adorent les compositions qu'on fait et les événements qu'on fait et les décors qu'on fait. Donc au final, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vraiment eu à refuser quoi que ce soit parce que c'était pas en adéquation avec ce qu'on aime faire et ce qu'on veut faire. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on peut venir avec un énorme budget si c'est pas du tout. Ça matche pas. Et puis sur toute cette partie-là, ce qu'on aime aussi, c'est avoir toute cette phase de réflexion, réfléchir au positionnement de la marque, à sa problématique et venir apporter une réponse et une solution florale. Et c'est ça qui est intéressant. Donc après, c'est vrai que quand il y a des clients qui viennent et qui nous demandent des choses déjà complètement écrites, on essaie toujours un peu de bousculer tout ça et de dire oui, mais peut-être que en réfléchissant, on a pensé à... Et parfois, ça passe, donc c'est cool. Mais voilà. Imaginez un concept comme Racine demande de mobiliser beaucoup de ressources de temps, d'argent et d'énergie. Mais ton énergie, tu la partages aussi avec ta famille, car tu es maman, comme tu le disais. J'essaye. Est-ce que être parent, ça module aussi, ça oblige peut-être à moduler les objectifs et les rêves, ou pas du tout? Moi, ça me les module. Ça me les module parce que quand tu te lances dans une entreprise et dans une aventure comme Racine et comme peuvent être le lancement de plein d'autres sociétés dans plein de domaines différents, je pense qu'il faut être corps et âme dédié à cette cause. Et aujourd'hui, en fait, je le suis, mais je le suis certainement pas autant que peuvent l'être certains de mes concurrents. Ou je ne le suis pas. Je le suis pas comme j'aurais pu l'être 15 ans avant. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit garçon et que il me voit déjà pas le matin au réveil parce que je suis à Rungis. Mmh. Donc, quand j'ai lancé Racine, c'était le 10 avec mon mari, c'est voilà, je te laisse te lancer dans cette aventure, mais il faut quand même que tu gardes un peu de place pour moi et pour Raphaël, et c'est tout ce que je te demande. Déjà, c'est un équilibre qui m'a obligée à avoir, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très extrême, et pendant 15 ans, quand je travaillais dans la pub et l'événementiel, j'étais toujours à 400%, même le soir en rentrant, même la nuit, même les week-ends. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à avoir du mal à lever le pied et à décrocher totalement, et aujourd'hui, mon mari et mon fils, ils me permettent justement d'avoir ce décrochage qui est sain, qui te permet, je pense, de remettre bien souvent tes idées au clair. C'est de garder la tête froide. Ouais, quoi. Voilà. Alors, peut-être pas assez, ou du moins, peut-être pas autant qu'ils le souhaiteraient. parce que c'est toujours compliqué, surtout quand tu lances et que t'es au début, t'es pas une société avec 10 personnes. Donc, ouais. Tu peux très peu déléguer. Donc, t'es à la compta, aux achats, à la création, au commercial, tout ça. Mais voilà, en tous les cas, j'avance certainement moins rapidement que certains, mais j'avance à mon rythme et en gardant en tête que la chose la plus importante, c'est ma famille aussi, donc il ne faut pas la délaisser, il faut en prendre soin. Et puis en plus, quand c'est des petits-enfants, mon fils il a 3 ans aujourd'hui, il n'a pas aujourd'hui 3 ans, mais il a 3 ans, ça grandit tellement vite que tu n'as pas envie de passer à côté de moments qui finalement sont des purs moments de bonheur et d'échange avec lui, donc voilà. Donc, ouais, c'est trouver effectivement les vitesses sur lesquelles on veut avancer. C'est effectivement une aventure dans laquelle, comme tu dis, en plus tu fais les choses à fond, il faut y être quand même à 100%. Ouais. Et en même temps, il ne faudrait pas regarder ça avec des regrets en se disant « Ah, c'est cool, mais... » J'ai raté quelque chose. J'ai raté un truc. Bien sûr. Faire ce que l'on aime, du coup, c'est vraiment une liberté immense, mais ce n'est pas tout repos. Parce que chaque projet s'accompagne, comme on le sait, de son lot d'épreuves proposées à notre courage et notre persévérance. Est-ce que parfois, t'as eu envie d'arrêter, que ce soit même avec Racine ou avec dans ta vie pro avant, comment fais-tu pour garder le cap vers les buts que tu te fixes ? Oui, il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas une semaine ou un mois... Surtout, enfin là, dans mon expérience d'entrepreneuriat, c'est challengeant. C'est challengeant, et puis c'est surtout, il y a des obstacles toutes les semaines, tous les mois. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. On le fait pas aussi rapidement qu'on voudrait le faire. On a surtout en ce moment. Il y a un vrai renouveau de la fleur, il y a une vraie mise en avant des fleurs depuis quelques mois, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les réseaux sociaux, voilà, donc il y a énormément de gens qui se lancent, donc forcément ça fait beaucoup de concurrence. À un moment où, quand moi je me suis lancée, on était 2 ou 3, là ça fourmille, il y a des petits qui se font et qui se lancent tous les jours, enfin des petits, quand je dis des petits, c'est pas genre des petits fleuristes, c'est voilà, il y a des idées, des initiatives, ça prolifère, voilà. Déjà la concurrence c'est sain, je pense, ça te permet de te challenger, donc c'est pas mal, mais c'est vrai que parfois tu vois certains de tes concurrents qui vont plus vite ou qui lèvent plus rapidement des fonds, voilà. Bon, Pour garder le cap, du coup, est-ce que Qu'est-ce qui te fait tenir ou relativiser ou te redonne de l'énergie ou... Ce qui me fait tenir, c'est d'être droite dans mes baskets et de me dire que tous les matins, je me lève pour aller à Rungis et que j'ai la niaque et que je suis heureuse et que je souris et que je rigole et que je prends un réel plaisir à le faire. Ce qui me motive aussi, c'est d'avoir le retour des clients qui sont hyper contents et qui nous félicitent. Ce qui me motive, c'est de recevoir des mails de demandes d'entreprises, de marques pour nous occuper de leurs événements ou pour faire des collaborations. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui, même quand je suis dans des downs en me disant est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix, avant j'étais dans une certaine sécurité, je gagnais bien ma vie, certes je travaillais beaucoup, mais voilà, tout ça me permet de me dire t'as fait le bon choix parce que aujourd'hui ça marche, parce qu'aujourd'hui voilà, sans faire vraiment de pub et sans faire vraiment de développement, les gens viennent à toi et les gens sont contents, donc c'est déjà un super bon début et ça veut dire que quand je vais vraiment mettre de l'argent et encore plus d'énergie dans la com et dans le développement, bah, ça va encore plus exploser et ça va tout défoncer. Ouais, c'est... Voilà. Donc, c'est ça qui me motive. C'est vrai que c'est une course. Enfin, c'est une espèce de... Je pense que l'entrepreneuriat, même tout projet, c'est une espèce de marathon. Et il y a des fois où on s'essouffle un peu parce que c'est tellement prenant. Enfin, moi, en tout cas, je parle peut-être que pour moi, mais c'est, tu vois, c'est toute ton énergie et tu... Enfin, tu vois, t'es c'est toute ton énergie quoi. Et c'est vrai que dans le cas présent, à savoir dans un business de fleurs, c'est toute ton énergie, mais pas que cérébrale, tu vois. C'est ton temps, ton énergie et surtout ton énergie physique. Et ça, c'est vrai que je m'y attendais au départ, mais c'est vrai que je m'y attendais pas autant. Tu vois, clairement, tu te lèves 2 à 3 fois dans la semaine à 4h du mat, c'est usant parce que après, quand tu t'arrives et tu fais ton arrivage, faut que tu prépares toutes les fleurs, faut que tu fasses les commandes, faut que tu lances les commandes, faut que tu prépares quand tes coursiers viennent, faut que tu répondes à tes mails. Voilà, nos journées, c'est des journées de 18h ou 17h non-stop. On oublie souvent de manger, ou du moins on n'arrive pas à prendre le temps pour manger. Donc voilà, en un an et demi, je pense que physiquement j'ai dû prendre 5 ans, mais. Mais donc ça, c'est très dur. Je voulais revenir à quelque chose de plus manuel et plus créatif, où je me sers de mes mains. Donc là, je pense qu'on y est. Hein. Le pari est relevé. Voilà, exactement. Tu y es en plein dedans. Ouais. Et justement, quand tu parlais des choses auxquelles tu t'attendais, mais dont tu n'avais pas non plus soupçonné complètement tous les tenants et les aboutissants, quand on commence une activité ou un projet, il y a forcément une réalité qu'on ne soupçonnait pas, qui vient s'annoncer à nous. Si avant de commencer ta carrière en entreprise ou de te consacrer à l'entrepreneuriat, on avait pu te donner des conseils ou des astuces, t'aurais aimé entendre quoi ? Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été à 400% et parfois c'est très bien. Et là, moi j'apprends à le faire de plus en plus avec Racine, c'est stop, pose-toi, fais ta tout doux ou même pas ta tout doux, mais genre prends-toi une heure pour sortir du quotidien, prendre de la hauteur et te dire ok, ça va pas, ça faut que j'aille vers là-bas, faut plus que ce soit de telle manière ou de telle manière. Et c'est vrai que c'est compliqué, surtout dans l'entrepreneuriat, comme je te disais, nous, nos journées, elles sont ultra intenses et parfois t'es parti, tu pars le matin à 4h et t'es en mode turbo toute la journée. Et en fait, c'est là où tu perds peut-être un peu de temps, où tu fais pas forcément les bons choix dans ta journée ou dans ta semaine, parce que t'as tellement la tête dans le guidon que t'abats et tu penses qu'à ça. Sauf que parfois c'est plus constructif, tu vas prendre une heure, tu vas perdre une heure entre guillemets, comme tu te dis, mais sur cette une heure tu vas structurer beaucoup plus ta semaine, ta journée et tes priorités, et au final à la fin de la semaine tu te rendras compte que c'est beaucoup mieux quand tu structures. Bah moi, c'est vrai que quelque chose, c'est aussi ma motivation pour ce podcast, c'était de rencontrer des gens et de les voir dans leur quotidien et puis déculpabiliser aussi, démystifier l'échec ouais. Et puis parler beaucoup plus des coulisses parce que sur les réseaux sociaux, c'est très cool, je trouve, c'est une super. Enfin, l'internet est un média génial. On peut très fake aussi, mais voilà, c'est ça. Et donc en fait, à rencontrer vraiment des, à avoir la chance de rencontrer des gens dans leur quotidien. Moi, j'ai appris aussi que c'était ok de douter, parce que c'est quelque chose qu'on, enfin, j'ai pu l'évoquer dans différentes émissions, que ce soit sur l'argent ou avec, enfin, d'autres invités. On n'ose pas forcément, même si c'est, on n'a pas envie de placarder, genre j'ai merdé toute la journée, bonne bouse, on essuie puis on essaie demain. Mais juste, quand moi je me suis lancée, j'aurais aimé lire un peu plus, de dire non mais c'est ok en fait, tout le monde doute. Non mais tout le monde se plante au moins une fois, et en plus au final c'est 10 fois plus sain et c'est peut-être même 10 fois plus constructif de te planter, et parce que tu te rends compte, ça te permet de voir ce que t'as mal fait quoi, et ça te permet de recommencer, de mieux le faire. Donc mais je pense que même les plus grands businessmen et tu vois, tout le monde a une fois douté et tout le monde a une fois été confronté à l'échec ou aux erreurs. Donc enfin, les réseaux sociaux, comme tu dis, ça lisse un peu tout ça. Et puis je pense qu'on se monte un peu aussi les histoires, parce qu'effectivement, on voit Bill Gates, on voit Steve Jobs, et puis c'est des success stories énormes. Et puis quand on se lance dans l'entrepreneuriat, peu importe le secteur, mais on a des grandes figures comme ça, on se dit ah là là. Mais rien ne se fait sans rien, quoi. Les mecs, ils ont galéré dans leur garage. Enfin, tu vois, à un moment, c'est sûr, c'est souvent, on a une image figée, et puis on dit ah là, c'est trop cool, regarde tous les héros, regarde le mec où il est arrivé, non mais son truc, c'est un empire et tout, mais regarde tout ce qu'il a fait quoi. Le mec pendant 30 ans je veux dire, et toi il y a 30 ans il vivait dans un 10 mètres carrés comme un gros loser, il avait juste son idée, et voilà. Donc après faut se donner les moyens, et il faut pas avoir peur de tomber, de remonter, c'est comme le vélo quoi. Après faut aussi savoir se mettre des échéances, je pense, et se mettre en plus des objectifs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, Racine, ça a bien pris, ça fonctionne bien. J'ai des certaines targets, entre guillemets, dans ma tête. Aussi, peut-être parce que j'ai une famille et qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir subvenir à une famille, aux études de tes enfants. Voilà. Tout au fond de ma tête, j'ai un petit objectif, et je me suis donné 3 ans. Et si dans 3 ans, l'objectif, il n'est pas au rendez-vous, je me poserai les bonnes questions et je prendrai les décisions qu'il faudra prendre. Mais je pense que, encore une fois, il faut être structuré. Et c'est comme quand tu essaies de monter lever de l'argent ou autre. À un moment, tu n'arrives pas en disant ouais, mon concept est hyper cool, tu as un peu d'argent à me donner. Non, les mecs, ils ont besoin d'avoir des business plans, d'avoir tes objectifs à 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme tu le fais toi pour aller chercher de l'argent, il faut que tu te le fasses toi aussi, entre toi et ton business, ou toi et ta société. Et c'est un peu comme un mariage, quoi. Tu vois, c'est un peu. Moi, je le vois comme ça. Donc, être ambitieux, ça veut forcément dire être un peu égoïste. Je pense qu'il faut justement essayer de ne pas être trop égoïste. Il faut réussir à faire des compromis. L'ambition, c'est un truc qu'on se fait aussi un peu pour soi. Non, on le fait pas que pour soi. Enfin, moi, dans mon cas présent et précis, je le fais pas que pour moi. Je le fais aussi parce que je le fais parce que ça m'éclate, et je le fais parce que j'y prends un réel plaisir. Je le fais aussi parce que qu'à un moment donné, faut payer les factures, il faut travailler, quoi. J'ai pas la chance d'être multimilliardaire entière. Ou d'être entière. C'est un kiff avec un rayonnement global, en fait. Ouais, voilà. Et s'inscrit dans un contexte. Ouais. Précis. Ouais, exactement. Hyper philosophique ce que tu en dis. Ouais, j'ai adoré. Ah, ça m'arrive, comme ça, je joue ma petite musique. Je glisse, sans prétention, bien sûr. Pour clôturer cette discussion, je te propose quelques rapid fire questions. Elle me fait non du doigt. Mais si. Alors, un prochain objectif à atteindre, personnel ou professionnel ? Personnel, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant. D'accord. Mais c'est pas toujours très facile, surtout dans le cas présent, notamment dans l'entrepreneuriat où tu dois soulever des seaux d'eau et te lever très tôt. Mais de toute façon, nos mères y arrivaient, ou nos arrière-grand-mères dans les champs y arrivaient bien. Donc je sais pas pourquoi on n'y arriverait pas. Professionnel, on va lancer notre deuxième version de site internet avec beaucoup plus d'offres, notamment pour les particuliers. Donc ça devrait arriver formé, idéalement pour la fête des mères, mais peut-être début juin. Il y a toujours du retard. Mais voilà, donc mon objectif, c'est que ça fonctionne bien, que ça prenne bien, que les gens apprécient cette nouvelle version, et qu'on grossisse encore plus, et qu'on continue surtout à prendre du plaisir et à s'éclater. Voilà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal comme objectif, on en reparlera dans un an. Ouais, c'est ça. Un plaisir à garder sous le capot pour garder le cap. Les voyages. Je te dis ça parce que, en plus, je pars dans 2 jours au Brésil pendant 2 semaines. Donc, donc tu me vois totalement. Je ne suis pas saoule. Je suis juste remplie de joie à l'idée de partir dans 2 jours pendant 2 semaines ça au soleil. Et surtout retrouver nos meilleurs amis qui habitent là-bas. Donc, ouais, je pense. Voilà, il faut avoir toujours des soupapes pour pouvoir souffler, surtout quand c'est un métier comme le nôtre assez physiquement dur. Donc ouais, c'est des moments par-ci par-là avec sa famille, avec ses enfants, avec ses potes. Voilà, on est souvent dans une routine où on est hyper fatigué à cause de ses horaires et puis de l'intensité du travail. Mais peut-être parfois quand on rentre le soir, on se dit oh là, je crevais, je reste à la maison. Bah, parfois il faut un peu se motiver pour sortir et au final on se rend compte que c'est toujours bénéfique. Putain que ça fait du bien de boire un verre avec ses copains et ses potes et voilà, il faut prendre le temps. Donc ouais, c'est tous ces petits moments avec les amis, avec la famille, ailleurs, pour se ressourcer, pour se redonner voilà, des inspirations, se renourrir de d'images pour pouvoir revenir d'attaque et reproposer des choses créatives qui répondent et qui plaisent à tes clients. Donc mieux partir pour mieux revenir. Oh, c'est beau. Tu vois, tu aussi, t'as des moments ouais. Philo. L'identité olfactive de Racine est composée de quoi ? Alors actuellement, d'odeur de peinture, puisque nous sommes en train de finir les travaux de notre atelier boutique. Non, alors ça va être différentes odeurs. On va être sur des odeurs de fleurs de saison, comme le mimosa, comme le lilas, parce qu'on travaille sur toute la fleur de saison et des fleurs voilà, sauvages, champêtres. Cette odeur de champ. Non, mais on travaille beaucoup les fleurs séchées, de plus en plus, et on a toujours mis énormément d'essence séchées ou qui vont être amenées à sécher, donc beaucoup de graminées, et c'est vrai qu'il y a, ouais, l'odeur de peut-être de foin coupé. Alors tout de suite là, dans l'imaginaire ça doit pas faire rêver, mais fermez les yeux. Non, mais voilà, ouais, ou de d'herbes mouillées, pas pourries. Mouillé, hein. Mais ouais, voilà, non, je sais pas, ces odeurs qu'on a tous en tête quand on va se promener dans la campagne, qu'il fasse beau ou qu'il ait plu. Racine, c'est un peu la campagne dans vos maisons à Paris. Exactement, c'est exactement ce qu'on essaie de faire, c'est amener des petits bouts de jardin dans votre intérieur. Une personnalité inspirante qui aide à ne plus rougir de son ambition. Alors ça, c'est la question à laquelle, justement, Tu voulais réfléchir. Je voulais réfléchir, mais alors j'aurais préféré que tu me laisses une ou 2 semaines pour vraiment sortir une super réponse. C'est l'image d'une femme qui assume sa vie d'entrepreneuse, mais qui assume aussi sa vie de maman, sa vie de femme, sa vie de femme avec ses copines, qui sort et qui boit, voilà, tout ça. Encore plus aujourd'hui où voilà, il y a cette vraie... ce vrai mouvement féministe dont on entend parler depuis surtout 1 an. Voilà, je suis pas forcément dans les mouvements féministes, je suis dans le mouvement de voilà, que les femmes puissent s'exprimer de toutes les manières, qu'elles puissent être fières d'être entrepreneuses donner plus d'énergie à son entreprise qu'à sa famille si elle a envie, qu'elle donne plus de temps à sa famille et qu'elle travaille pas si elle a envie. Qu'on arrête de nous saouler. Voilà, c'est ça. Non, mais bordel. C'est ça, voilà. Enfin, non, mais voilà, on veut défendre des choses, mais voilà, qu'on nous laisse faire à notre manière et voilà. Et pour finir, une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices. Une pensée positive. Disons que j'ai fait ma voix de radio. Non, non, mais j'ai. Oui. Une pensée positive, faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres. Ah, c'est beau. Non, mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Racine, pour revenir au côté business, non. Non, mais voilà, non, mais il faut savoir... Dans la deuxième partie de l'émission, non, nous voyons mais... le business. Non, mais voilà. Parfois, on oublie de vouloir se faire plaisir. Et on peut se faire plaisir avec un bouquet, moi, avec n'importe quoi. Mais voilà, genre, juste Kiffez, faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres. Ça peut être des petites attentions ou des grosses, mais pas besoin que ça soit compliqué. Ça peut être un dessin, ou juste une parole ou un message. Voilà. Notez bien. Faites-le bien autour de vous. Faites-le surtout. Ouais, ça fait très. Mais bon. Merci beaucoup. Merci. Merci Alix pour ce joli moment partagé avec les auditeurs et auditrices de Nice to Hear You. Retrouvez toutes les informations de l'émission ainsi que les photos de notre échange sur le blog à l'adresse unefidera.com. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Lydie, mon amie photographe et fondatrice du Lilout Studio, qui a réalisé les visuels pour cette émission. Si l'émission vous a plu, bah dites-le nous avec des étoiles sur iTunes par exemple, et puis abonnez-vous à l'émission pour ne rien louper sur SoundCloud, Stitcher ou Deezer. Bisous les amis et à très vite !